Sam le marin fait le comique. Les marins nettoient le pont du bateau. Ils sont fâchés. Sam le marin les regarde. « Je vais vous faire rire, » dit-il. « Tu ne peux pas nous faire rire, » disent les marins. Sam s'assoit dans un seau. Les marins ne rient pas. Sam met le seau sur sa tête. Les marins ne rient pas. Sam voit la capitaine. Elle dort sur sa chaise. « Je vais cacher ses bottes, » dit Sam. Sam prend les bottes. Il grimpe sur le mât. La capitaine se réveille. « Où sont mes bottes? Elles ont disparu, » crie-t-elle. Elle regarde sous la chaise. Elle regarde sous les cordes. « Où sont mes bottes? » dit-elle. Les bottes tombent sur le pont. Boum! « Ce sont mes bottes! » crie la capitaine. La capitaine regarde en haut. Sam le marin est caché dans les voiles. La capitaine ne voit pas Sam, mais elle voit un oiseau. « Regardez! » dit-elle. « Cet oiseau avait mes bottes! » Les marins rient encore et encore. « Ce n'est pas drôle, » dit la capitaine. « On ne peut pas enlever ses bottes sur ce bateau. »